On reçoit en studio pour sa chronique hebdomadaire Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société ici à l'Université Laval. Salut, salut Raymond. Salut. Donc aujourd'hui, tu nous parles des innovations technologiques dans le domaine de la santé. Hein. Oui, en fait, il faut dire qu'on a une belle occasion d'explorer un peu ce qui se passe et les perceptions dans cette sphère-là parce que ben, tout récemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé le début du déploiement à Montréal de l'outil qui va permettre aux praticiens d'accéder à certaines données relatives à un patient. Donc, Yves Bolduc avait indiqué là, que le branchement au dossier de santé du Québec de 320 cliniques allait être amorcé de 428 pharmaciens, de plusieurs laboratoires d'examen. Donc, ça a débuté. Et évidemment, ben, c'est aussi un jalon important dans l'évolution du dossier santé au Québec. On sait que ça fait longtemps que ça se discute, que ça se parle. Il y a des mesures qui sont mises en place, ça et là. C'en est une. À Québec également, il y avait eu des initiatives qui avaient été développées à partir d'avril 2010 là, dans le déploiement du dossier de santé du Québec. Ça avait été fait également à Lanaudière en Estrie en octobre 2011. Alors là, avec Montréal, on parle de quelques 3,4 millions de dossiers qui vont être constitués à terme pour les habitants de ces quatre régions québécoises-là. Et ça rentre dans une tendance plus, dans une tangente plus globale qui est l'informatisation progressive là du réseau de la santé, que ce soit par des outils comme le dossier de santé informatique, que ce soit par d'autres dossiers qui peuvent être utilisés dans des blocs opératoires, dans de la télémédecine, dans de la visioconférence, etc. Il y en a beaucoup d'outils comme ça qui sont développés, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit à l'international. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure que ces outils-là sont développé, ben de plus en plus, le milieu médical semble aussi ouvert à les intégrer. Du moins, ça se fait de manière assez progressive. Et je suis tombé parce que je me suis dit, avec ce qui se passe à Montréal, on va voir un peu justement les degrés d'accessibilité sociale, d'acceptabilité sociale de ces mesures-là, mais par le milieu de la médecine précisément. Et notamment, je suis tombé sur une étude récente de la firme Accenture qui disait que les médecins, de manière générale, s'accordent sur les bénéfices des systèmes d'information de santé. Il y a une majorité des médecins qui estiment que les nouvelles technologies permettent un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique, pour une meilleure coordination des soins, pour une réduction également des erreurs médicales. Et si on va dans les chiffres, on regarde en France d'abord, les médecins de moins de 50 ans sont les plus nombreux à penser que les systèmes d'information de santé contribuent à améliorer la santé du patient, la rapidité aux soins, à diminuer le nombre d'erreurs médicales. Il y a 72% des médecins de moins de 50 ans, par exemple, qui pensent que les dossiers patients informatisés ou les espaces numériques de santé vont permettre d'améliorer la coordination entre les établissements ou les services. Il y a 73% d'entre eux qui estiment que les technologies vont offrir un meilleur accès à des données de qualité là, pour la recherche clinique. Ça, c'est en France. Les constats sont similaires également au Canada. Là, on parle d'à peu près 61% des médecins de manière générale, quel que soit leur âge, qui jugent que les technologies de l'information permettent un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique. Il y a 58% qui estiment qu'elles permettraient une meilleure coordination des soins. 60% qui croient que ça réduirait les erreurs médicales. Alors, le constat est extrêmement favorable jusqu'à présent là, du côté du milieu de la santé. Ce que l'étude a remarqué, c'est que plus le médecin est âgé, moins il est réceptif à l'intégration de ces technologies-là. Mais reste que ce qu'on remarque, c'est que la relève au sens très large et les jeunes médecins au sens très large sont quand même donc très positifs face à l'intégration de ces mesures-là. Ce qui peut être normal pour les médecins un peu plus âgés qui sont moins habitués avec l'informatique, tout ça. Mais ça va grandement simplifier le travail des médecins si tous les dossiers sont rendus informatiques. En tout cas, ils sont clairement pour un virage informatique du monde de la santé. Et c'est pas seulement au Canada ou en France. Les résultats sont encourageants dans la mesure où cette tendance-là s'observe à peu près partout dans les pays sondés par la firme. Et on parle ici de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de Singapour. Donc, ça donne quand même un portrait assez global de la situation. Et il en ressort donc très nettement que la perception positive des technologies numériques est directement corrélée à leur usage et leur utilisation dans les pratiques professionnelles quotidiennes. Et donc, comme on disait, plus un médecin utilise les fonctionnalités des dossiers patients informatisés ou des espaces numériques de santé, mais plus il va être positif, plus il va être convaincu des bénéfices de ces technologies-là. Et bon, j'en donnais des exemples, on va en donner d'autres simplement pour garder en tête de quoi il s'agit précisément. Là, on pense à la saisie numérique des données patients, à des recommandations électroniques entre confrères, la prescription électronique, communication entre médecins et patients par email sécurisé et évidemment toute l'avalanche aussi des services et des applications liées à la mobilité. qui est un peu incontournable, on le voit dans la société, l'intégration de ces médiums-là, que ce soit iPad, iPhone et autres téléphones intelligents et autres tablettes. Alors, ce qu'on remarque, évidemment, c'est qu'à l'image de la société, les médecins, eux aussi, et les gens qui travaillent dans le milieu médical, eux aussi, les utilisent de plus en plus. Aux États-Unis, on parle à peu près 72% des praticiens qui utilisent un téléphone intelligent dans le cadre de leur travail. Selon une étude du Manhattan Research Center, ça devrait monter à 81% en 2012. En France, c'est un peu le même portrait également. Donc, de manière générale, on a intégré cet appareil-là dans notre vie personnelle. Et donc, il y a de plus en plus de gens, c'est valide en médecine comme c'est valide dans d'autres secteurs, remarqués, qui veulent l'intégrer aussi dans leur pratique professionnelle. Et là, à l'intérieur de ça, il y a différents usages qui ont été identifiés dans différentes études. On parle notamment de pratiques administratives. Bon, utiliser ces téléphones-là pour les fonctionnalités GPS, pour la fonction dictaphone, etc. Mais aussi dans la pratique médicale. Donc, on peut aller chercher des accès aux bases de données de médicaments, des recommandations officielles, des encyclopédies médicales, surveiller un patient à distance, accéder au dossier médical d'un patient à distance, illustrer les cas cliniques, etc., etc. Donc, ça peut être assez utile et c'est déjà aussi utilisé parce que le réflexe, il est là. J'avais eu l'occasion d'assister à quelques conférences où des gens qui étaient responsables justement de l'implantation de ces technologies-là en hôpital, dans le fond, dans le réseau lui-même, disaient, ben, regardez, c'est pas nous qui demandons aux gens de l'amener, c'est les gens qui nous demandent de l'intégrer. Évidemment, ça amène d'autres problèmes, d'autres réflexions, que ce soit au niveau de la sécurité, parce que les données qu'on retrouve dans les hôpitaux, dès qu'on parle d'un dossier informatif, il faut que ça soit 100% sécur. Il ne faut pas qu'il y ait de problèmes liés aux fuites d'informations. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de virus qui peuvent entrer dans ces systèmes-là. C'est ce que je me disais justement tout à l'heure. Il faut que le système informatique soit d'une efficacité assez incroyable pour pas qu'il y ait des gens peut-être un peu malveillants qui aillent jouer dans les systèmes, puis ce serait vraiment catastrophique si ça arrivait. Exactement. Donc ça, c'est le casse-tête auquel font face là, certains gestionnaires des technologies dans le réseau. Il y a déjà des essais d'intégration qui sont faits. Il y a des hôpitaux qui fournissent carrément des iPads à leurs médecins, mais qui disent, regardez, ces appareils-là restent à l'intérieur de l'hôpital. C'est pas vos outils personnels, c'est la version professionnelle de vos outils personnels. Il y en a d'autres qui font l'intégration d'appareils, mais encore là, on voit un peu une fracture entre les utilisateurs Android et les utilisateurs iPhone, dans la mesure où les processus de sécurité sont beaucoup plus solides dans les téléphones faits par Apple, de par la structure et le mode de fonctionnement d'Apple, la surveillance du App Store versus l'Android Market où il y a beaucoup plus de liberté. Donc, pour l'instant, il y a plus d'ouverture qui est faite dans le milieu face aux appareils Apple versus les appareils Android, là, pour évidemment des raisons de sécurité. Puis il y a une évolution dans l'offre d'applications mobiles en santé aussi. Oui, et ça, c'est... plus on l'utilise, plus il y a de la demande, plus il y a de l'offre aussi. De manière générale, là, il y a à peu près 17 000 applications de santé mobile qui sont disponibles ou qui vont bientôt être disponibles dans, que ce soit le App Store, que ce soit l'Android Market. Il y a 6 000 applications dans la rubrique centrée de l'App Store iOS, notamment des versions françaises, anglaises, etc. Et ça va continuer à monter, en fait. Les rapports de tendance et d'évaluation disent que ce sera une des tendances fortes là, en 2012. Il y en a même qui parlent d'une hausse potentielle de 30% du nombre d'applications. Alors, il y a une grosse demande. Il faut dire que les outils aussi liés à la téléphonie mobile s'affinent de plus en plus, donc permettent une utilisation de plus en plus précise, de plus en plus intéressante aussi pour la pratique médicale. Exemple, on parle d'appareils pour la cataracte qui permettent d'effectuer une échographie portable. On parle de l'ajout de lampes LED pour des photos d'échantillons sanguin, de capteurs électroniques, d'outils de prise de taux de glycémie pour les diabétiques, des brassards pour les prises de tension, etc., etc. Donc, il y a de plus en plus aussi d'applications d'intérêt. Évidemment, l'autre question, ça va être aussi d'approuver la validité médicale de ces applications-là. Il y a déjà, exemple, aux États-Unis, on a amorcé des processus de réglementation pour encadrer la création d'applications, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'elles se retrouvent là, qu'elles sont nécessairement avalisées et viables à 100%. Et quand on parle de médecine, il faut que ce soit pratiquement... il n'y a pas de marge d'erreur. Il ne peut pas y avoir de marge d'erreur, mais quel est le degré d'erreur de ce type d'application pour l'instant? Est-ce qu'il y aura aussi, de par cette hausse-là, une nécessité pour le milieu et donc par extension pour la recherche, de mettre un cadre analytique pour s'assurer aussi que ce qui se retrouve disponible pour les usagers soit médicalement approuvé? Donc ça, c'est l'autre question. Et peut-être en terminant, petite note, je suis tombé sur une dernière étude qui disait que tout ça pouvait avoir un impact favorable aussi sur les coûts liés aux hôpitaux. On parle d'un gain qui pourrait être fait d'à peu près 1,7 $ par patient suivant le degré d'informatisation. Et également, on parle des hôpitaux dont l'informatisation a été améliorée de 10 points qui ont vu leur mortalité chuter 10 %. Ça, c'est une étude du docteur Ruben Amasigam, un docteur américain. Ça doit compliquer aussi la tâche à tout le monde avec les milliers de dossiers qu'il doit avoir dans un hôpital. L'informatisation pourrait simplifier, mais tellement le sauver du papier aussi, beaucoup, énormément. Sauver du papier aussi. Sauver du papier et le temps de faire aussi la paperasse. Le temps d'écriture, exactement. Et l'idée, en fait, c'est que plutôt que d'avoir à écrire plusieurs fois une information, mais elle se retrouve simplement une fois dans le dossier. Et immédiatement aussi, toutes les mises à jour sont faites. Donc, chacun des intervenants du dossier, exemple, quand on suit un patient à long terme, des maladies chroniques, ben tous les suivis de tous les intervenants qui travaillent avec ce patient-là s'y retrouveraient. Et donc, ça permet une meilleure cohésion peut-être entre les services médicaux. Et parallèlement, si le patient est aussi bien impliqué dans son traitement, ça va lui donner aussi un outil à lui pour bien comprendre son dossier et bien comprendre sa réalité. Vraiment intéressant la chronique. Aujourd'hui, le monde de la santé est appelé à changer. L'informatique va vraiment va révolutionner un peu le monde des médecins, le monde de la santé et tout. Merci beaucoup Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie et l'information à l'Institut des technologies et de l'information et société. C'est compliqué à dire. Et si les gens veulent retracer certains des articles qu'on a mentionnés, on a une section revue de presse sur notre site itis.laval.ca. Vous pouvez aller explorer un peu cette section-là. Excellent, c'est noté. Merci beaucoup, Raymond. C'était vraiment très intéressant.